La science CQFD, Natacha Triou. La crise des opioïdes aux États-Unis est considérée comme une urgence de santé publique depuis 2017. Le pays fait face à une quatrième vague d'épidémie d'overdose qui touche aussi les enfants. Comment entrevoir une sortie ? Depuis les années 90, la crise des opioïdes ronge les États-Unis. L'addiction à ces produits se propage comme une épidémie. Les chiffres d'overdose n'ont fait que grimper. Une crise responsable en 2022 de 130 000 morts. Parmi ces substances, le fentanyl, le plus puissant des antalgiques, qui ravage le pays depuis 2013. À cela s'ajoute un autre phénomène, celui de la mortalité d'addiction chez les très très jeunes. Un enfant addict aux opioïdes naît toutes les 19 minutes. Crise du fentanyl, une épidémie sans remède. Marie-Geoffrey Roustide, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue et chercheuse au Centre d'études des mouvements sociaux à l'INSERB, membre du comité scientifique de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies. Et Bruno Mégarban, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service de réanimation médicale et toxicologique à l'hôpital Lariboisière et professeur à l'Université Paris-Cité. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture. Et merci à vous d'être là au rendez-vous à toute heure en podcast sur l'appli Radio France. Vous pouvez aussi nous écouter tout en nous suivant sur X, anciennement Twitter, sur notre fil @sciencecqfd, vous y trouverez plein de ressources complémentaires. Ce live tweet commence tout de suite. Alors, comment a débuté la crise des opioïdes aux États-Unis et comment l'arrivée du fentanyl a-t-elle accentué cette crise? Comment ces substances agissent-elles sur le cerveau? Et nous allons répondre à toutes ces questions. Nous sommes ensemble voilà, pendant une heure jusqu'à 17h. Mais pour commencer, on commence avec donc une présentation de cette substance et de sa puissance. C'est notre archive du jour. Nous sommes en 2017. Ça, c'est de la poudre de fentanyl. Un kilo. C'est un kilo de fentanyl pur? Oui, c'est suffisant pour fabriquer 1 million de pilules. Et combien faut-il de fentanyl pour tuer quelqu'un? Pas plus d'un demi-milligramme. Donc, si on fait le calcul, un demi-milligramme, ça veut dire que dans ce sac, il y a de quoi tuer 2 millions de personnes. Oui. C'est vraiment très puissant. Où est-ce que ce produit est fabriqué? En Chine. Et ça rentre au Canada par voie postale. Des millions de courriers qui arrivent de Chine chaque semaine. Et c'est difficile de tous les vérifier. Je pense que c'est qu'une question de temps avant qu'il n'apparaisse ailleurs dans le monde. Il est déjà en place partout aux États-Unis. Le sergent est un fervent défenseur de la politique de réduction des risques de son département. La police de Vancouver pratique cette politique de réduction des risques depuis 10 ans. Est-ce que ça marche ? Ça marchait jusqu'à ce que le fentanyl apparaisse. Si quelqu'un est dépendant à une drogue, il faut lui donner un médicament dans un environnement médical et le sevrer de ses opiacés. Est-ce que vous connaissez plus de gens qui s'en sont sortis ou plus de gens qui en sont morts? Qui en sont morts. Mais j'aimerais que ça change. Voilà, une archive de France 24 en 2017. Marie-Geoffrey Roustide, le fentanyl ronge les États-Unis, mais au Canada aussi, il fait ravage. Oui, c'est une crise la crise des overdoses opiacées qui a commencé aux États-Unis, mais à la proximité avec le Canada. Fait des ravages aussi au Canada. La grande différence, quand même, c'est que les politiques publiques qui ont été mises en place dans ces deux pays sont différentes. Et donc, on l'entendait à l'instant, au Canada, il y a une approche de réduction des risques qui s'est développée. Et donc, le Canada, et en particulier le Québec, côté francophone, qui a vraiment mis en place une politique de réduction des risques très volontariste, endigue un peu mieux cette crise et répond un peu mieux à cette crise que les États-Unis. Bruno Mégarban, on entendait également dans cette archive un demi-milligramme pour tuer quelqu'un. Alors effectivement, le fentanyl est une substance très puissante. Le problème, c'est qu'elle agit sur des récepteurs qui se trouvent au niveau des centres du tronc cérébral dans le système nerveux central, qui contrôle la respiration. Et donc, de fait, dès que vous stimulez ces récepteurs, vous bloquez le métronome qui est le tronc cérébral de la respiration. Et donc, vous allez induire un ralentissement de la fréquence respiratoire. Donc, la personne va respirer de plus en plus lentement jusqu'à s'arrêter de respirer. Et malheureusement, à ce moment-là, elle va manquer d'oxygène et le cœur va s'arrêter. Donc effectivement, c'est une substance dangereuse. D'ailleurs, la prescription de fentanyl se fait généralement en milieu hospitalier. Notamment, c'est un analgésique très puissant dont on se sert dans le bloc opératoire, en réanimation, évidemment sous monitorage et sous ventilation mécanique. On va revenir dans quelques instants sur, plus précisément sur les mécanismes de toxicité du fentanyl. Mais avant ça, peut-être quelques descriptions, définitions. Bruno Mégarban, le fentanyl, donc c'est donc une substance synthétique, mais opioïde, opiacé. Quelles sont ces substances et puis quelle différence entre ces deux termes ? Alors effectivement, donc on va dire, comme je l'ai expliqué, sur le tronc cérébral qui est une partie, essentielle du cerveau qui contrôle la respiration et d'autres fonctions vitales, se trouvent des récepteurs sur lesquels agissent un certain nombre de composés que l'on appelle les opioïdes. Donc toutes les substances dont on va parler agissent sur ces récepteurs-là et bien sûr sur les récepteurs de la douleur, puisque de base, ce sont des produits qui ont pour but d'être des antalgiques. Alors, on va dire de façon naturelle, on a ce que l'on appelle les opiacés, c'est-à-dire des substances qui sont dérivées d'une plante, le pavot de l'opium. Quand on fend un tout petit peu le fruit, on peut recueillir un suc qui contient des opiacés naturels comme la morphine, comme la codéine. Il faut savoir que les opiacés, sous la forme donc d'opium, était utilisé depuis des millénaires. Les civilisations égyptiennes, sumériennes en ont rapporté l'usage comme antalgique, entre autres. À partir de ce suc du pavot d'opium, à la fin du 19e siècle, il y a eu l'extraction des substances actives, donc la morphine et la codéine essentiellement, puis la synthèse de produits hémisynthétiques, c'est-à-dire à partir de la morphine, on a essayé de faire des dérivés un peu plus actifs, comme l'héroïne. À partir du XXe siècle, on a carrément fait une synthèse de produits qui n'ont plus rien à voir en termes de structure chimique avec la morphine, mais produits qui agissent toujours sur ces fameux récepteurs opioïdes. Et ces molécules de synthèse, on les appelle opioïdes car ils ont une structure différente, une structure chimique différente de celle de la morphine, mais agissent sur le même type de récepteur. Donc pour être plus clair, on a les opiacés naturels, on a les opiacés de synthèse, hémisynthétiques, et puis on a les opioïdes qui sont toutes des molécules de synthèse. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle les composés exogènes, c'est-à-dire en fait des substances qui n'existent pas dans le corps humain et qui sont donc obtenues soit à partir des plantes, soit à partir de la synthèse chimique. Mais il faut savoir que dans notre corps, on a aussi des opioïdes, c'est-à-dire des molécules qui, elles, ne ressemblent pas à la morphine, mais qui agissent sur ces récepteurs, ce sont les endorphines. D'ailleurs, c'est pourquoi ces récepteurs existent. Et donc, les endorphines sont aussi des opioïdes, et l'ensemble de ces systèmes agissent sur la douleur, mais aussi peuvent agir avec donc un risque évidemment sur le centre de contrôle de la respiration. Mais comme vous l'avez bien compris, les endorphines sont régulées par le corps humain. Et donc, si vous avez un excès délétère, il y a une contre-régulation qui fait que finalement, vous n'avez pas de toxicité, entre guillemets, de vos propres endorphines. À l'inverse, si vous prenez des substances exogènes en quantité importante, c'est ce qu'on appelle une overdose, là, vous pouvez développer des manifestations toxiques et donc qui vont se caractériser par un coma. Donc, vous allez perdre connaissance, vous avez un trouble de vigilance, vous allez vous endormir, généralement un coma assez profond. Vous allez avoir une marque assez caractéristique, c'est-à-dire les pupilles vont devenir très serrées, c'est ce qu'on appelle un myosis. Et puis surtout, et c'est ça le danger, vous allez avoir un ralentissement de la fréquence respiratoire qui peut aboutir au décès. Et donc évidemment, plus l'opioïde de synthèse est puissant, et c'est le cas du fentanyl et de ses dérivés. On estime, par exemple, le fentanyl est 50 fois plus puissant que l'héroïne, 300 fois plus puissant que la morphine. Eh bien, plus l'opioïde est puissant et plus ce risque est important, brutal, rapide. Malheureusement, parfois, il survient sans que l'on puisse avoir le temps de contrecarrer ces effets. Et comme vous dites, les opioïdes sont connus pour leurs effets analgésiques contre la douleur. Au sein des opioïdes, Marie-Geoffrey Roustide, il y a différents niveaux analgésiques. Sur l'échelle des antalgiques opioïdes, le fentanyl se trouve tout en haut, mais dans quel cas ces opioïdes sont-ils prescrits ? Ou sont-ils censés être prescrits ? Il y a le fentanyl qui se trouve en haut, mais il y a aussi le carfentanyl qui est encore plus puissant, je crois, deux fois plus puissant que le fentanyl, donc ça veut dire 100 fois plus puissant que l'héroïne. Voilà. et donc ça, c'est un élément aussi important à prendre en compte, c'est-à-dire qu'on a l'impression que sur ces marchés se développent des produits voilà, de plus en plus puissants, donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il existe aussi des médicaments pour prévenir ces overdoses, et donc je pense que c'est important d'en parler aussi dès le début de l'émission, c'est-à-dire qu'il existe un antidote qui s'appelle la naloxone, et donc à ce jour, les États-Unis et le Canada basent beaucoup de leurs efforts en matière de prévention sur la mise à disposition de la naloxone. D'ailleurs, on y reviendra certainement au cours de l'émission, mais aux États-Unis, enfin les États-Unis sont beaucoup moins en avance que la France sur la politique de réduction des risques, qui est vraiment une politique efficace pour prévenir la question des overdoses. Mais par contre, ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est qu'en fait, ils se sont donc attaqués à cette question donc de la crise des overdoses opioïdes par la distribution de naloxone. Et aujourd'hui aux États-Unis, la naloxone, enfin des policiers ont de la naloxone. On a entendu un policier tout à l'heure s'exprimer et dire qu'il était favorable à la politique de réduction des risques, ce qui est intéressant, hein, ce qui est vraiment un changement de représentation de pratique très important. Mais vous avez également des citoyens comme vous et moi qui ont de la naloxone dans leur sac aux États-Unis parce que la crise est tellement importante que tout Américain ou tout Canadien peut, à un moment donné, être amené à intervenir auprès d'un proche ou d'une personne qui pourrait se retrouver en difficulté et être amené à faire une overdose. Donc voilà, c'est cette question de la naloxone pour répondre aussi à la crise est un des outils et qui est pour le moment celui qui est le plus utilisé. Bruno Megarman. Oui, alors en fait, pour préciser un tout petit peu la question et la réponse de ma collègue, donc effectivement, les antalgiques, c'est un outil que l'on dispose essentiel, car évidemment la douleur, c'est le symptôme le pire dont peut souffrir l'homme. Donc les opioïdes sont des médicaments extraordinaires. Si on ne les avait pas, on ne pourrait pas opérer. Si vous aviez un traumatisme, vous auriez extrêmement mal. Donc ce sont des outils extrêmement utiles. Néanmoins, évidemment, il faut bien les utiliser. Tout va de là. Et donc l'OMS, pour permettre un bon usage et une bonne prescription de ces outils, des opioïdes, a établi une échelle en classant en trois paliers les antalgiques. Et effectivement, tout ce qui est morphinique fort, donc la morphine et ses dérivés, le fentanyl, occupent le troisième palier. C'est-à-dire que un médecin doit les réserver aux douleurs les plus importantes, c'est-à-dire les douleurs post-traumatique, les douleurs opératoires ou post-opératoires et les douleurs du cancer extrêmement invalidantes. À l'inverse, pour des douleurs simples de la vie de tous les jours, pour les maux de tête, le paracétamol, les anti-inflammatoires et des antalgiques moins puissants et moins dangereux sont disponibles. Et donc évidemment, le mauvais usage consisterait à prescrire des opioïdes à la place de ces traitements pour des douleurs qu'ils ne nécessitent pas. Donc ce sont des médicaments importants et effectivement, il faut absolument plaider en faveur du bon usage. Il faut bien sûr pas du tout réprimer leur utilisation lorsque c'est utile. Sinon, on aboutirait à une société qui va souffrir malheureusement. On va parler dans quelques instants de comment ces outils sont devenus fléaux aux États-Unis, rentrer dans le détail de l'histoire de la crise des opioïdes, mais d'abord, quelques chiffres. Cette crise, c'est la première cause de décès qu'on dit évitable chez les Américains de moins de 50 ans. 130 000 morts en 2022, c'est plus que la mortalité des accidents de la route et des décès par arme à feu réunis. Marie-Geoffrey Roustide. Oui, c'est pour ça qu'on parle de crise, on parle d'épidémie, c'est qu'effectivement ça a fait baisser l'espérance de vie aux États-Unis. Je pense qu'il est important aussi de rappeler que, enfin, la crise des overdoses opioïdes, c'est un problème médical, enfin, qui renvoie à la question du médical, à la question du sanitaire, mais qui renvoie également à des questions sociales et politiques. Et donc il y a les travaux d'Angus Deaton, prix Nobel d'économie, qui ont montré qu'en fait le terreau de cette crise, c'est aussi la pauvreté. Et donc, c'est au départ, dans la première phase de cette crise, des groupes sociaux vivant pour une partie d'entre eux en milieu rural, très pauvres, qui ont été touchés les premiers par cette crise des overdoses opioïdes. Donc ça, il y a cette question de la pauvreté qui est très importante dans l'explication de cette crise. Et puis, le fait que les États-Unis, contrairement à la France, par exemple, aux États-Unis, l'État social est très peu présent. Donc, en fait, il y a très peu d'aides sociales qui sont apportées. Donc ça renforce aussi cette crise. Et puis également, la réponse. Quelle réponse est apportée? Donc, je parlais tout à l'heure de l'analoxone, mais le système de santé aux États-Unis est beaucoup plus fragile que celui de la France, même si le système français est de plus en plus fragilisé. Mais quand on compare les deux systèmes, ça n'a vraiment rien à voir. Et par exemple, en France, les personnes qui vont être dépendantes à l'héroïne vont avoir gratuitement accès à des traitements de substitution aux opiacés qui vont leur permettre d'éviter d'aller se fournir sur le marché illégal, alors qu'aux États-Unis, le système d'accès aux traitements de substitution aux opiacés, par exemple, est beaucoup moins simple. Il coûte beaucoup plus cher, il est beaucoup plus, il produit beaucoup plus d'inégalités qu'en France. Et donc, voilà, cette crise, elle est aussi liée à une dimension politique et une dimension sociale que l'on doit avoir en tête. Cette crise, en effet, il y a plus d'Américains morts d'overdose aux opioïdes que de soldats américains tués durant les guerres du Vietnam, d'Irak et d'Afghanistan combinées. Donc en quoi cette crise est-elle révélatrice du système de santé américain ? Restez à l'écoute. France Culture, la science CQFD, Natacha Triot. En direct sur France Culture avec Marie-Geoffrey Roustide et Bruno Mégarban. Nous parlons de la crise du fentanyl aux États-Unis. Nous voulons parler de ces mécanismes de toxicité, de voir que le fentanyl est un opioïde bien plus puissant que les produits utilisés jusqu'à présent dans cette crise des opioïdes aux États-Unis. Alors comment a-t-elle débuté? À l'origine de cette épidémie d'overdose, il y a les défaillances de la médecine américaine. L'histoire commence en 1990 avec le laboratoire Purdue Pharma, en perte de vitesse commerciale, il fabrique l'oxycontine, le médicament à base d'oxycodone. Marie-Geoffrey Roustide. Oui, et donc ça montre également la spécificité du système américain, c'est-à-dire que cette crise des opioïdes, c'est aussi le produit des limites du capitalisme. C'est-à-dire que ce laboratoire, voulant faire beaucoup d'argent, va tromper les Américains sur les risques liés aux médicaments opioïdes. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, si l'on veut aussi comparer avec la France, c'est qu'aux États-Unis, en fait, la publicité sur les médicaments est autorisée. Donc, moi, je sais que je vais beaucoup aux États-Unis et j'étais toujours surprise d'entendre à la radio, à la télévision, vous avez mal au dos, prenez de l'oxycontin. Enfin, on n'entendrait jamais. Voilà, il y a un encadre, ce type de publicité en France. Donc, en fait, il y a effectivement une responsabilité très forte des laboratoires pharmaceutiques et puis un manque d'encadrement. C'est-à-dire que la FDA, Food and Drug Administration aux États-Unis, qui correspond à notre Agence nationale de sécurité du médicament en France, a également été peu regardante sur la question des conflits d'intérêts et des médecins qui étaient amenés à rendre des avis sur ces médicaments. Donc en fait, il y a une volonté de faire des profits qui est aussi très présente au début de la crise. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ces laboratoires, la famille Sackler, est amenée à rembourser et à donner de l'argent aux différents États américains qui ont été amenés à subir cette crise des overdoses opioïdes. Et donc, pour essayer de réparer les dégâts dans une certaine mesure qui ont été faits. Alors il y a certains dégâts qui ne sont pas réparables du tout puisque c'est des centaines de milliers de morts et ça on peut pas revenir en arrière. Mais par contre c'est pour effectivement les années futures essayer de mettre en place des politiques de prévention qui soient plus efficaces. Le problème c'est que cette crise elle a été également prise en compte très tardivement et là les Américains, enfin moi les chercheurs américains avec lesquels je travaille sont très inquiets parce qu'en fait il y a eu une prescription de ces médicaments antidouleurs sans contrôle qui a été faite, enfin qui ont concerné un nombre d'Américains tellement important que endiguer la crise devient compliquée aujourd'hui. Oui, c'est ça, Bruno Megarban, c'est que le problème est resté sous le radar jusqu'en 2007 avec en effet un énorme budget alloué aux campagnes publicitaires. Dans les spots de pub, on pouvait aussi entendre que moins de 1% des patients qui prenaient des opioïdes devenaient dépendants. Alors en fait, le problème de la crise, des décès plus exactement, des décès par opioïdes aux États-Unis, a démarré par la conjonction que vous avez dite entre des médecins qui ont été mal formés, c'est-à-dire qui ont appris pendant leurs études que prescrire un opioïde analgésique de façon prolongée n'induisait pas d'accoutumance, n'induisait pas de dépendance. Et le fait qu'un laboratoire, Purdue Pharma, ait fait un marketing très agressif de son composé, l'oxycontin, qui contient de l'oxycodone, auprès à la fois des médecins, comme ça a été dit, mais aussi des patients. Et donc, de fait, des prescriptions excessives, mal contrôlées, car la réglementation américaine n'existe quasiment pas, ont été faites et ont conduit à une disponibilité très importante du produit dans les foyers. Et donc, malheureusement, d'une part, à des décès parmi les usagers devenus dépendants, qui mésusaient, notamment par injection de comprimés pilés, l'oxycodone, mais également des décès chez des sujets naïfs de leur parenté qui prenaient ces antalgiques pensant que c'était des antidouleurs banaux. Donc cette crise liée à la médecine a été le début, jusqu'à peu près 2011. Oui, c'est ça, à partir c'est de 2011... La première vague, là, voilà, on parlait. C'est la première vague. Ouais. À partir de 2011, le système de santé américain est intervenu. Il a réglementé la prescription de l'oxycontin. Et donc, les prescriptions d'oxycodone se sont effondrées instantanément. C'est-à-dire, aujourd'hui, le problème n'a plus rien à voir avec les opioïdes de prescription. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, dans un premier temps, et c'est la deuxième vague, les patients dépendants des opioïdes se sont retournés vers un opioïde que l'on pouvait se procurer à ce moment-là sur le marché américain, qui était l'héroïne. Ça, c'est la deuxième vague. Rapidement, évidemment, l'héroïne coûte cher et très dangereuse. Eh bien, ces mêmes personnes se sont retournées, et ça, c'est la troisième vague, vers le fentanyl, qui est donc une substance beaucoup plus facilement disponible, car fabriquée au Mexique et importée aux États-Unis, alors que l'héroïne, il faut l'amener d'Afghanistan, donc c'est beaucoup plus cher. Et malheureusement, le fentanyl s'est révélé en mésusage extrêmement dangereux, et donc le nombre de décès a continué à augmenter, mais c'est là qu'intervient un autre phénomène. C'est-à-dire, ça n'est plus uniquement des patients qui ont été rendus dépendants par les prescriptions d'analgésiques opioïdes qui meurent de fentanyl et qui mésusent le fentanyl, c'est carrément les jeunes, car ces fentanyls sont passés dans l'usage récréatif. Et c'est là que les choses ont explosé. Et aujourd'hui, effectivement, on vend du fentanyl sous forme de comprimés multicolores, y compris à des jeunes, dans des soirées. Et de fait, évidemment, le nombre de décès explose et ça n'est plus du tout la même population. Et c'est la fameuse quatrième vague, c'est-à-dire l'arrivée sur le marché américain de comprimés falsifiés qui contiennent du fentanyl, qui sont vendus sous d'autres dénominations, parfois même des dénominations d'antalgiques, et qui sont responsables de cette mortalité très importante, ce d'autant plus que ces produits sont consommés avec d'autres substances psychotropes, avec d'autres substances illicites, y compris les stimulants, la cocaïne aux États-Unis, et ces mélanges font beaucoup de dégâts, notamment parmi les jeunes. Et donc, vous voyez, en fait, d'une crise créée par la médecine américaine, on est passé aujourd'hui à une crise sociétale, avec essentiellement des jeunes qui consomment ce type de produit qui se répand sur le marché festif. Marie-Geoffrey Roustine, vous souhaitiez réagir? Oui, le problème suite à la première phase, c'est qu'en fait la réaction, enfin, du gouvernement américain, ça a été de contrôler, de stopper, mais sans associer cette réponse à une politique volontariste de soins. Et donc, en fait, pourquoi donc les personnes qui étaient dépendantes à des opiacés qui leur étaient prescrits se sont mises ensuite sur le marché, enfin, essayer de chercher le médicament dont elles avaient besoin par le biais de l'héroïne, par le biais de produits qui étaient présents sur le marché illégal, c'est parce qu'il n'y a pas eu de politique de mise à disposition des traitements de substitution. Il existe des traitements de substitution comme la buprénorphine, comme la méthadone, qui sont très largement diffusés en France, qui permet de soigner la dépendance à l'héroïne ou aux opiacés, qui sont accompagnés, donc généralement les patients à qui on prescrit donc de la méthadone ou de la buprénorphine bénéficient également de soins dans des dispositifs plus larges, d'un accès également, enfin d'une prise en considération de leurs difficultés sociales et médicales. Et donc en fait, les États-Unis n'ont pas apporter cette réponse-là qui aurait permis d'une certaine manière d'endiguer la crise. Donc ça, c'est le premier élément, donc qui est un élément très important. Et puis, en termes de réponse politique et de défaillance de la réponse politique, le deuxième élément qui est important dans la quatrième phase, c'est que aujourd'hui, des personnes qui consomment par exemple des stimulants peuvent acheter des stimulants, donc de la cocaïne par exemple sur le marché illégal, qui est contaminé avec du fentanyl. Et donc en fait, il y a des nouvelles dépendances qui se créent au fentanyl chez des personnes qui ne recherchaient pas obligatoirement ce produit. Et donc là, c'est effectivement beaucoup plus difficile de réguler les choses. Et puis donc depuis 2015, les États-Unis font face à cette quatrième vague d'overdose, une situation qui est sans précédent. Et à ça s'ajoute un autre phénomène, celui de mortalité d'addiction chez les très très jeunes, selon une enquête du journal Le Monde et puis aussi selon le rapport de l'IRFRI. On observe une multiplication de morts par overdose chez des enfants et des nouveau-nés. Marie-Geoffrey Roustide. Alors, chez les enfants et les nouveau-nés, il y a deux éléments. C'est-à-dire que j'ai lu comme vous l'article du Monde sur cette question-là, et puis j'ai échangé sur ces questions avec mes collègues américains, chercheurs américains et cliniciens américains. Parce que je trouve que c'est toujours difficile de parler de ce qui se passe aux États-Unis sans échanger avec mes collègues qui sont là-bas. On sait très bien, par exemple, comment la situation de la France peut être présentée parfois dans des pays étrangers. Et donc, autant sur la question des adolescents. Et là, je partage ce qui vient d'être dit par Bruno Begarban. On voit effectivement qu'il y a une diffusion du fentanyl chez les adolescents et des addictions au fentanyl. Donc ça, c'est vraiment bien documenté dans des études épidémiologiques. Autant sur les enfants, il s'agit effectivement de quelques cas, même si au niveau individuel, ça reste absolument terrible. Mais je ne pense pas qu'on puisse parler d'une vague de décès liés à l'exposition au fentanyl chez des enfants. En plus, même si ce risque d'exposition au fentanyl par le biais le fait de respirer du fentanyl peut être, enfin, comme vous le disiez là juste avant qu'on démarre l'émission, peut être théoriquement possible. C'est toujours difficile aussi de savoir ce qui s'est réellement passé dans une situation. Donc voilà. Donc je pense qu'il faut distinguer la question des adolescents où là il y a vraiment une diffusion importante et la question des enfants où là ça relève plutôt des accidents. Bruno Megabarn. En fait, il faut bien préciser, c'est un produit extrêmement dangereux et toxique en très faible quantité. Donc si des adultes en consomment à domicile, il peut rester des traces. Et comme vous le savez, évidemment, les enfants vont mettre à la bouche tout ce qu'ils voient. Et donc, d'où le risque, évidemment, bien sûr, qu'ils fassent avec les quelques traces qui restaient des problèmes respiratoires ou des overdoses. Plus un produit est disponible à domicile, et plus il est source d'intoxication et d'intoxication grave. À titre d'exemple, la méthadone qui est utilisée en France sous forme de sirop pendant longtemps et qui était le traitement de substitution des toxicomanes était l'une des causes principales d'anoxie cérébrale chez l'enfant. Pourquoi ? Parce que les parents qui étaient toxicomanes et consommer la méthadone, pouvait la laisser sur la table de nuit et l'enfant qui passait par là l'a consommé et malheureusement développé une overdose avec des séquelles sévères pour lui. Donc vous voyez, ce sont des substances qui peuvent être consommées par des adultes de façon précautionneuse sont à risque contrôlé, et encore, parce que souvent on ne sait pas exactement ce que l'on prend quand on achète un tel produit, mais évidemment, pour des enfants, notamment petits, qui le prend de façon accidentelle, c'est extrêmement dangereux et donc le risque existe, même s'il est théorique. Et la crise des opioïdes frappe aussi les mères enceintes. Selon le rapport de l'IFRI, le nombre de nourrissons nés avec un syndrome d'abstinence néonatale a été multiplié par 10 depuis 2000. Oui, c'est-à-dire que lorsque vous êtes un enfant dans le ventre de sa maman et que pendant la grossesse, vous êtes habitué à utiliser, entre guillemets, c'est-à-dire à recevoir par le sang maternel des opioïdes, donc du fentanyl ou tout autre dérivé morphinique, eh bien, vous en consommez vous-même, c'est-à-dire l'enfant en consomme. Et donc, lorsqu'il sort du ventre de sa maman et que, brutalement, on arrête l'administration de l'opioïde, il développe un syndrome de sevrage. Donc, il y a tout d'abord, bien sûr, les risques de l'exposition in utero de ces produits, mais il y a aussi le risque, et ça, c'est extrêmement important, de sevrage à la naissance. Et donc, à ce moment-là, malheureusement, les médecins doivent réadministrer des opioïdes aux nouveau-nés de mère qui consomment des opioïdes pour éviter le sevrage qui peut lui-même conduire à des morbidités extrêmement sévères. Ouais, depuis 2013, ce type de syndrome est décelé dans au moins 7 naissances sur 1000. Peut-on imaginer une telle crise en Europe, en France ? On en parle dans quelques instants. All this talk of getting old, it's getting me down, my love. Like a cat in a bag, waiting to drown. This time I'm coming down. And I hope you're thinking of me as you let down on your side. Now the drugs don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. Now the drugs don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. But I know I'm on a losing streak as I pass down my old street. And if you want a show, then just let me know now. Sing in your ear again. Now the drugs don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. Richard Ashcroft, The Drugs Don't Work, en direct sur France Culture, car nous parlons des ravages du fentanyl aux États-Unis. On en parle avec nos deux invités du jour, Bruno Megarban, chef du service de réanimation médicale et toxicologique à l'hôpital Lariboisière, et Marie-Geoffrey Roustide, sociologue et chercheuse au Centre d'études de mouvements sociaux à l'INSERM, membre du comité scientifique de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies. Nous venons de revenir sur l'origine de cette crise qui a commencé dans les années 90 avec l'antidouleur, l'oxycontine. Depuis l'arrivée du fentanyl en 2013, ce médicament tue plus que l'héroïne aux États-Unis. Dans ce contexte, il est donc nécessaire de surveiller l'apparition d'un phénomène similaire en France. On en parle avec vous, Céline Lozen. Bonjour. Bonjour, Natacha. Et vous êtes allée à l'unité médico-judiciaire de l'Hôtel Dieu de Paris pour voir comment se met en place un réseau de surveillance en Île-de-France. Et oui, en Île-de-France, le dispositif des décès toxiques se penche sur les cas de décès judiciarisés causés par des concentrations supra-thérapeutiques. Le docteur Lorraine Dufayet, médecin légiste, travaille depuis 2017 sur l'identification de cas anonymisés afin de recenser les décès associés au fentanyl ou fentanyloïde, qu'il s'agisse de surdosage dans un contexte récréatif, de toxicomanie ou suicidaire. Les conclusions de cette étude ne permettent pas à ce stade d'établir une potentielle épidémie en France, d'où l'importance d'affiner la surveillance. Thank you. Je suis médecin légiste et toxicologue et je travaille donc majoritairement à l'unité médico-judiciaire de l'Hôtel Dieu, à l'Institut médico-légal de Paris et également avec le Centre antipoison de Paris, qui a vraiment une mission de répondre à des demandes de particuliers ou de professionnels sur des intoxications. Donc ça va être des médecins qui vont appeler parce que quelqu'un a consommé beaucoup de médicaments dans un but suicidaire par exemple, et donc il va joindre le Centre antipoison pour connaître les conduites à tenir. Ça peut être un particulier qui va avoir consommé des champignons qu'il a ramassés dans la nature et qui va ensuite appeler le centre antipoison pour avoir des conseils, savoir quoi faire. Et dans le centre antipoison, il y a aussi toute une mission un petit peu de vigilance et on va faire remonter des signaux sur d'éventuelles nouvelles substances, nouvelles modes, etc. Et le dispositif des décès toxiques en Île-de-France, c'est un dispositif qui a été créé depuis plusieurs années et qui en fait reprend les expertises toxicologiques qui sont faites uniquement après des autopsies médico-légales. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un énorme biais, puisque déjà pour tous les défunts, il n'y a pas d'autopsie médico-légale, et que ensuite, quand il y a une autopsie médico-légale, le but qu'on a, nous, en autopsie, quand on les fait, c'est exclure l'intervention d'un tiers. On exclut l'intervention d'un tiers, et ensuite on va conseiller au parquet de Paris ou du tribunal qui nous a demandé l'autopsie la réalisation des analyses toxicologiques, mais la justice n'est absolument pas obligée de demander ces analyses toxicologiques. Donc on a très peu de cas par rapport à la totalité des cas. Donc on a des informations, mais il ne faut pas les prendre pour argent comptant sur le plan épidémiologique. Il y a vraiment une grosse limite quand même de ce dispositif. Oui, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est la mise en place d'un dispositif et d'une méthode. Est-ce que vous pourriez décrire plus précisément ce dispositif de surveillance ? Alors, le dispositif de surveillance, il est beaucoup plus large que le dispositif d'Essetox seul, qui est une toute petite partie. Et en fait, il y a plusieurs dispositifs qui collaborent ensemble. Tout ça, c'est que des réseaux qui sont coordonnés par l'ARS majoritairement. Et donc, on a plusieurs réseaux qui sont intriqués les uns aux autres, d'accord ? Pour essayer d'avoir justement une surveillance des intoxications aiguës la plus large possible. Donc, on va avoir par exemple le réseau Au Secours. Donc, ça va être plusieurs services d'urgence en Île-de-France qui vont pouvoir notifier s'il y a des intoxications particulières. Il y a les centres antipoison, de manière générale, via la réponse téléphonique d'urgence, qui vont également remplir des cas. Il y a également un réseau en réanimation. Et il y a également des réseaux avec des services hospitaliers et surtout des associations d'usagers qui vont pouvoir faire des notifications spontanées. Et donc ça, combiné avec le réseau des décès toxiques en Île-de-France, ça permet d'avoir une idée, un tableau de bord des intoxications aiguës en Île-de-France. Donc à nouveau, c'est vraiment limité à notre territoire. Quelles sont les conclusions que vous pouvez tirer de cette étude ? Il me semble qu'elle a été menée entre 2017 et 2021. Donc ça donne peut-être déjà des résultats, pas forcément concluants, mais des indicateurs peut-être ? Alors, on avait sur l'ensemble du dispositif presque 1200 cas de décès qui avaient été recensés, donc de décès toxiques. Sur ces 1200 cas, on avait retrouvé du fentanyl ou un analogue du fentanyl dans 12 cas. Donc c'est une toute petite proportion, d'accord ? Mais ça veut dire qu'il y a quand même du fentanyl et des analogues du fentanyl qui sont présents sur le territoire français. La plupart de ces cas, enfin une bonne partie en tout cas de ces cas, c'était des suicides avec des patchs de fentanyl qui avaient été utilisés par les personnes, donc pas forcément des personnes qui initialement mésusaient du fentanyl comme dans le cadre de la crise des opioïdes. Vraiment plutôt une utilisation à visée suicidaire. Alors, avec le dispositif des décès toxiques, donc je vous disais, on avait 12 cas avec du fentanyl ou de dérivés du fentanyl, et on avait notamment 2 cas avec de l'oxfentanyl et 1 cas avec du sufentanyl. Donc ça, c'est des molécules également de synthèse et qui sont potentiellement plus fortes que le fentanyl, et il y a un risque que ces molécules, elles soient utilisées comme adultérants dans des produits psychoactifs, notamment de l'héroïne ou de la cocaïne. Adultérants, c'est-à-dire qui sont coupés ? Ils sont mis en plus, exactement, dans les produits, et il y a un vrai risque pour les consommateurs de substances psychoactives, puisqu'en fait, ils vont aller acheter ce qu'ils pensent être de la cocaïne ou de l'héroïne, et à l'intérieur de ces substances, il y aura en plus de l'oxfentanyl, du sufentanyl, etc. Donc il y a un vrai risque d'overdose pour les personnes qui consomment. Et en France, il y a certains centres qui proposent de tester les substances psychoactives. Donc ça peut être bien pour ces personnes d'aller faire tester leur drogue pour être sûr qu'elles ne soient pas victimes d'une intoxication accidentelle à ces substances-là. Quand on est médecin légiste et toxicologue, dans les deux spécialités, on a affaire à des nouvelles substances quasiment tous les ans. Il y a des nouvelles choses qui émergent. Donc on a eu beaucoup de NPS, qui sont en fait des molécules qui sont produites synthétiquement, où les personnes qui les produisent vont changer simplement un petit morceau de la structure chimique d'une molécule et produire en fait quasiment tous les jours des nouvelles substances. Donc là, il y a un vrai défi pour les analystes en toxicologie pour réussir à détecter ces substances. Et il y a un vrai défi pour les médecins, puisqu'effectivement, il va y avoir des intoxications avec des symptômes qui ne correspondent pas forcément à ce qu'on a l'habitude de prendre en charge. Donc effectivement, il faut qu'on reste un petit peu tout le temps au courant de ce qui se passe sur ce plan-là. Merci Céline Lozen pour ce reportage. Bruno Megarba, réaction à ce qu'on vient d'entendre? Oui, tout à fait. Donc Lorraine Dufayet a très bien expliqué les choses. Alors, la seule nuance que j'aurais avec elle, c'est que je ne crois pas que faire tester sa drogue est une sécurité pour utiliser de la drogue. Si le laboratoire ou la personne qui teste votre drogue vous dit qu'elle contient de l'héroïne, eh bien moi je déclare que c'est une substance extrêmement dangereuse, ne l'utilisez pas. Si elle vous dit qu'il y a de la cocaïne, je déclare aussi que c'est extrêmement dangereux. Donc et puis surtout, ces nouvelles drogues, et c'est ça le point important, elles sont très difficilement détectables. Il faut des tests extrêmement spécifiques de laboratoire avec des technologies de très haute performance. Donc trouver, on va dire, un amateur qui vous dise ce qu'il y a dans votre drogue, sincèrement, je n'y crois pas. Donc il ne faut surtout pas consommer des drogues et il ne faut pas penser que le fait de savoir ce qu'elle contient est une, en quoi que ce soit quelque chose de sécurisant. Marie Geoffrey Roustide, réaction au reportage qu'on vient d'écouter. Oui, non, c'est un reportage très intéressant qui montre en effet la difficulté à pouvoir anticiper hein, ce phénomène, même si on a des centres de pharmacovigilance qui travaillent de manière extrêmement sérieuse, la NSM aussi, Agence nationale de sécurité du médicament, qui a des systèmes de surveillance, qui sont performants. Moi, je pense que ce qui est important de retenir, c'est que pour le moment, il n'y a pas effectivement de panique à avoir sur la question du fentanyl en France. Par contre, au niveau de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, on est quand même très vigilant parce qu'en fait, il y a d'autres régions d'Europe, d'autres pays d'Europe en particulier, donc les pays d'Europe du Nord, l'Écosse, qui ont vu ces dernières années, une augmentation de la présence de fentanyl. Et donc, en fait, il n'y a pas de raison qu'à un moment donné, ça se développe pas en France. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que, en France, j'en parlais tout à l'heure, mais on a une politique de soins qui est quand même beaucoup plus, et de réduction des risques, qui est quand même beaucoup plus volontariste que les États-Unis. Donc, on est pour le moment un peu mieux préparé. Par contre, on ne sait pas ce qui pourrait se passer effectivement face à une arrivée massive de fentanyl, mais jusqu'à aujourd'hui, quand on discute avec nos collègues américains et dans les recherches, moi, que j'ai pu mener, ce qu'on met en avant, c'est que le fait de disposer donc de centres qui permettent d'accueillir les personnes qui sont en situation de dépendance aux opiacés de manière anonyme et gratuite, d'avoir des ce qu'on appelle salles de consommation à moindre risque, qui s'appellent maintenant halte soins addiction, permettent aux personnes, donc par exemple, qui consomment des opiacés par injection, de faire leur injection dans un centre médicalisé, ce qui veut dire que si il y a une overdose, là, vous pouvez intervenir tout de suite et administrer de l'naloxone. Donc, on a un dispositif de soins et de prévention qui, pour le moment, nous protège un peu. Mais par contre, il faut effectivement rester prudent et c'est pour ça que ces dispositifs de surveillance sont extrêmement utiles. Sur la question de tester les drogues, et vous disiez l'idéal, ce serait que les gens ne consomment pas. Le problème, c'est qu'en fait, là, on est confronté à des personnes qui sont dans des situations d'addiction. Et donc, c'est vraiment très important de pouvoir leur donner accès à des soins qui leur permettent d'aller mieux. Malheureusement... Des soins médicaux, voilà. Mais non, le fait de tester la drogue, c'est pas une garantie de sécurité. Et de la réduction des risques. Et donc, c'est vrai que c'est, enfin, vous êtes médecin, donc vous le savez mieux que moi, mais c'est une situation qui est complexe, hein, la question de l'addiction, et on n'en sort pas tout de suite. D'ailleurs, tant pour les opioïdes que pour la question de l'alcool, même pour la question du tabac, le problème, c'est qu'avec les opioïdes, les risques sont, enfin, peuvent être extrêmement rapides avec le risque d'overdose. Donc, moi, je pense que c'est très important de continuer à être vigilant sur les produits qui pourraient arriver, mais c'est surtout très important que le gouvernement français continue à mettre de l'argent sur une politique de réduction des risques et une politique de soins. Nous, dans nos dernières enquêtes, nous avons mis en évidence, c'est des données que nous sommes en train d'analyser, qu'on a 25% des personnes qui fréquentent les centres de soins qui nous disent avoir eu un refus de prescription de traitement de substitution aux opiacés ou un refus de soins. Donc on sait que l'usage de drogue est une pratique très stigmatisée en France parce qu'on a une loi très répressive sur l'usage de drogue. Donc il y a vraiment un travail à faire également de formation des médecins pour bien les sensibiliser à la prise en charge de ces patients. Oui, puis pour continuer sur les différences entre le modèle de santé américain et le modèle de santé français. Bruno Mégabarne, en France, si jamais on prescrit un antalgique à base d'une substance opioïde, on va vraiment suivre le patient, les doses et la durée de prescription sont hyper surveillées. Oui, tout à fait. Les produits dérivés de la morphine et tous les opioïdes ne peuvent être prescrits que d'abord par un médecin, ne peuvent être délivrés que dans une pharmacie, nécessitent une ordonnance sécurisée et une durée de traitement de 28 jours maximum. Lorsqu'il y a renouvellement, il faut évidemment justifier la raison pour laquelle on va renouveler. Et puis la Sécurité sociale, lorsqu'elle estime qu'il y a des prescriptions de quantité inhabituelle ou de durée extrêmement longue, va faire un contrôle à la fois auprès du prescripteur et à la fois auprès du patient pour savoir ce qu'il en est. Donc ces contrôles qui sont instaurés par le système de santé permettent de prévenir justement des risques, qu'il y ait une dérive, c'est-à-dire qu'un médecin prescrive de façon excessive ou inutile ces produits, et puis surtout qu'un patient puisse thésauriser et avoir accès à ces produits, d'abord pour un mésusage, voire pour une revente à l'extérieur, évidemment. Alors, quelles sont les autres mesures mises en place pour lutter contre cette épidémie et qu'en est-il d'un potentiel vaccin ? Restez avec nous. France Culture, la science CQFD, Natacha Triou. En direct sur France Culture, avec Marie-Geoffrey Roustide et Bruno Mégabarne, nous parlons de fentanyl, cette drogue qui ravage les États-Unis et qui en est donc à sa quatrième vague. Alors depuis 2017, les États-Unis ont déclaré l'état d'urgence sanitaire. À cause de cette crise, des campagnes de prévention ont été mises en place avec des distributions de kits Narcan, dont on a évoqué ces kits-là en début d'émission, mais plus précisément, donc ce médicament qui est à base de naloxone. Comment ça fonctionne, Bruno Mégabarne ? Alors, la naloxone, c'est un traitement qui va réverser l'overdose. Donc, ça n'est pas un traitement de prévention. Mm-mm. Vous voyez, c'est que si vous êtes toxicomane, c'est pas le fait de prendre de la naloxone qui va vous empêcher de consommer votre substance si vous en avez besoin, envie. Donc, en fait, c'est un traitement qui va réverser les symptômes, notamment respiratoires. Et donc, on s'est rendu compte, en fait, que dans 85% des overdoses qui surviennent en communauté, eh bien, il y a toujours un témoin. Simplement, ce témoin ne sait pas quoi faire. Et donc, le temps qu'il appelle les secours, eh bien, le patient présente déjà un arrêt cardiaque et malheureusement, à l'arrivée des secours, du SAMU, le patient est décédé. D'où le fait et l'idée de mettre en communauté, à disposition du grand public, ce fameux antidote, la naloxone, qui est donc un médicament très bien toléré, qui a très peu d'effets secondaires et qui est très efficace, c'est-à-dire qui instantanément réverse les symptômes de l'overdose aux opioïdes parce qu'en fait, il va prendre la place de l'opioïde sur le récepteur et donc il va l'empêcher d'agir. Et donc effectivement, en mettant la naloxone en communauté, alors sous une forme injectable par voie intramusculaire ou surtout sous une forme par voie intranasal, donc d'administration intranasale, n'importe quelle personne pourrait le faire si elle trouve quelqu'un de sa parenté ou un ami qu'elle connaît être usager d'opioïdes, eh bien, elle peut lui administrer le produit, ce qui laisse un certain temps, le temps que les secours arrivent et prennent en charge ce patient de façon beaucoup plus efficace, évidemment, par l'administration du médicament par voie intraveineuse. Mais en fait, c'est ce temps-là qui manquait. Car tout le monde a bien compris, lorsque l'on prend un opioïde en surdose et qu'on a les symptômes respiratoires, le chronomètre est déclenché. C'est-à-dire que vous allez aller progressivement vers le ralentissement de la fréquence respiratoire qui vont conduire à l'arrêt respiratoire et donc au décès. Donc le plus vite vous administrez l'antidote, le plus vite vous réversez l'action et vous permettez ensuite, avec l'arrivée dans les 5 à 10 minutes des secours, eh bien d'être relativement à temps pour éviter l'arrêt cardiaque. Car une fois que l'arrêt cardiaque est survenu à domicile, malheureusement, c'est trop tard. Et souvent, il va y avoir des séquelles extrêmement sévères, voire le décès. Oui, la naloxone, c'est comme c'est le même principe que la mise en place donc, des défibrillateurs. Voilà, exactement. C'est-à-dire, c'est comme un défibrillateur que l'on trouve dans les trains, dans les gares, dans les aéroports, où n'importe qui n'a pas d'idée de ce que ça fait peut l'utiliser, car l'utilisation est simple. Eh bien, c'est pareil ici. On va mettre la naloxone à disposition. D'ailleurs, aux États-Unis, ça s'appelle la naloxone take home, comme un hamburger take home. Voilà. Donc, vous prenez votre naloxone lorsque vous êtes toxicomane sur prescription de votre médecin et vous le mettez à votre maison. Et donc là, si jamais quelqu'un de votre parenté vous trouve par terre dans le coma ou endormi, sans répondre aux stimulations, eh bien, il vous administre le produit, même si il n'a pas fait le diagnostic d'overdose. Car c'est ça l'intérêt. C'est vous pouvez l'administrer sans risque, même si finalement vous l'avez administré par excès et que le diagnostic médical était différent. En tout cas, si jamais c'était une overdose aux opioïdes, vous gagnez les quelques minutes très précieuses qui évitent l'arrêt cardiaque. Pour le moment, Marie-Geoffrey Roustide, la réversion d'overdose, naloxone, c'est pour le moment, ça reste la meilleure solution pour réduire la mortalité liée aux opioïdes. Alors, je dirais pas la meilleure. En fait, comme vient de l'évoquer mon collègue, ça sauve des vies. C'est le traitement d'urgence qui sauve des vies en urgence. Mais ça ne prévient pas sur le long terme. Ce qui prévient, c'est une politique volontariste de soins et de réduction des risques, c'est-à-dire l'accès à des traitements agonistes opiacés, comme la méthadone ou la buprénorphine, qui sont des traitements médicaux qui permettent de traiter la question de la dépendance aux opiacés. Donc quelqu'un qui est sous méthadone ou sous buprénorphine aura beaucoup moins envie d'aller chercher du fentanyl sur le marché noir, puisque sa dépendance sera en partie gérée. Donc en fait, la politique de manière plus globale qui permettrait de mieux prendre en considération cette crise, c'est de mettre en place des politiques volontaristes. Pour vous donner une idée, en France, donc, on a 87% des patients qui fréquentent les centres de soins et de réduction des risques qui bénéficient de ces traitements agonistes opiacés. C'est un des meilleurs taux en Europe. Aux États-Unis, c'est moins d'un quart. Donc, en fait, il y a vraiment beaucoup d'efforts à faire sur cette question-là. Et les scientifiques publient beaucoup d'articles qui montrent l'efficacité de ce type de traitement. Ces traitements ont été utilisés également dans le cadre d'une autre crise qui était la crise du VIH. Dans les années 80-90, on a eu énormément de morts du VIH liées à l'injection d'héroïne. La mise en place de ces traitements a permis de faire considérablement diminuer le nombre de personnes contaminées par le VIH et donc de décès. Et ça sera un outil très important pour prévenir la crise des overdoses opioïdes. Et pour conclure, tout un pan de la recherche s'intéresse aussi aux vaccins contre les drogues et notamment à la vaccination passive. Il y a cette nouvelle étude parue dans Nature Communications en décembre dernier. Bruno Mégabarne, pour conclure, en quoi justement, en quoi ça consiste ces vaccins contre les overdoses ? Alors, vous l'avez bien compris, ça a été très bien expliqué. Le traitement préventif principal, ce sont les mesures de réduction du risque avec une prise en charge multidisciplinaire. Néanmoins, un certain nombre de personnes échappent malgré tout à ça, où la prise en charge de leur addiction est difficile. Et donc à ce moment-là, effectivement, on a pensé un système de vaccination. Alors, c'est une immunothérapie de deux types. Elle peut être passive, par administration d'un anticorps monoclonal au sujet qui va reconnaître, par exemple, le fentanyl et bloquer son action. Donc, on vous administre cet anticorps tous les mois et à ce moment-là, vous ne si vous utilisez le fentanyl, celui-ci n'aura aucun effet puisqu'il est immédiatement neutralisé dans votre corps par cet anticorps. Alors, le dernier travail auquel vous faites référence est intéressant parce que c'est un anticorps humanoïde, donc facilement utilisable chez l'homme, et surtout qu'il n'empêche pas l'utilisation d'autres morphiniques en cas notamment de douleur. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'immunothérapie passive. Mais évidemment, l'objectif ultime, c'est ce qu'on appelle l'immunothérapie active, c'est-à-dire cette fois-ci vacciner l'individu pour que lui-même fabrique les anticorps, et à ce moment-là, toute sa vie, il ne pourra plus utiliser les fentanyls, car ils seront immédiatement bloqués. Voilà, des essais cliniques vont bientôt commencer. Faudra voir si ces résultats observés chez la souris et le singe se confirment chez l'humain. Merci à vous deux. Il est temps de retrouver Alexandra Delbo et sa chronique Avec Science. Comment notre cerveau décide-t-il de nous faire traverser la rue ? Si vous attendez le feu vert piéton à chaque fois qu'il vous faut traverser, vous avez raison. Mais quand il n'y en a pas, ou que vous n'avez simplement pas la patience d'attendre que le bonhomme passe au vert, votre cerveau peut être face à un dilemme, car une voiture est déjà engagée. Traverser ou ne pas traverser, telle est la question. Et pour y répondre, vous allez devoir faire très rapidement un calcul, une tâche qui s'appelle la perception du temps de contact. Robin Borès est professeur à l'université Paul Sabatier à Toulouse. L'idée, c'est de déterminer en fait dans la trajectoire de l'objet et notamment sur la base des propriétés optiques, parce que l'objet il va grossir au fur et à mesure qu'on approche, si le temps que l'objet va mettre à nous atteindre dépasse ou est inférieur au temps que nous on mettrait à traverser. Donc, et on sait qu'en fait la vitesse de la voiture, sa distance et puis la combinaison des deux, c'est-à-dire le temps, en fait, sont trois paramètres qui sont pris en compte par les observateurs d'un point de vue visuel. Et après, il y a une espèce de comparaison entre ce que je peux faire, par exemple, typiquement quelqu'un qui aurait des capacités physiques amoindries parce qu'il serait plus lent ou chargé, etc., va peut-être plus facilement refuser une traversée de rue que quelqu'un qui serait en pleine possession de ses moyens. Donc, d'un point de vue comportemental, c'est quelque chose qui a été très étudié chez les enfants, chez les personnes âgées, chez les adultes de 5, etc. Et puis, d'un point de vue cérébral, il y a un certain nombre d'études qui ont été faites, mais principalement avec des approches IRM. Donc, on va étudier l'activité cérébrale. Il faut savoir que l'IRM, en fait, c'est une mesure de l'activité cérébrale assez indirecte de la tâche et qui permet pas de garantir au sens absolu que la zone cérébrale stimulée ou surstimulée dans la tâche est exactement la zone dans laquelle le processus a lieu. Mais pour aller sonder véritablement le cerveau lors de cette prise de décision et découvrir quelles sont ses bases cérébrales, il faut avoir un accès plus direct et aller voir sous le capot. Et ça, je rassure tout le monde, on n'ouvre pas de crâne d'un patient à moins d'avoir une très bonne raison de le faire, à savoir lui sauver la vie, notamment en retirant une tumeur cérébrale. Et pendant ce type d'opération, les patients peuvent être maintenus éveillés, avec des antidouleurs bien sûr. Et grâce à de petites impulsions électriques indolores, les chirurgiens testent si la zone qu'ils s'apprêtent à toucher est une fonction essentielle. Pour cela, il est demandé aux patients de réaliser certaines tâches, comme compter ou reconnaître un objet. Dans cette nouvelle étude, les scientifiques ont donc saisi l'opportunité d'ajouter une tâche supplémentaire lors de ce type d'opération, avec des vidéos de mise en situation. On y voit une rue et une voiture qui avance. Le sujet doit appuyer sur un bouton s'il estime qu'il peut traverser. Et en réalité, il n'y a pas vraiment de doute possible, car la voiture avance soit très lentement, soit très vite. Et donc, si le sujet se met à vouloir traverser alors qu'il n'a pas du tout le temps de le faire, ou au contraire, s'il se met à ne pas traverser alors qu'il l'a, cela signifie que la zone qui est en train d'être stimulée électriquement est essentielle pour cette prise de décision. Donc nous, on a trouvé qu'il y avait une zone dans le cortex somesthésique, c'est toutes les sensations de toucher qu'on peut avoir au niveau corporel, et autour de la scissure intrapariétale droite, et on trouve qu'il y a de très nombreuses zones très petites, mais parcellaires, en fait, comme un puzzle un peu éclaté, qui sont impliqués. Et ça, c'est un résultat nouveau parce que à la fois, on montre que c'est causal et on montre aussi que c'est pas une seule région unifiée très large, mais qu'en fait, c'est un petit fragment, une zone très fragmentée de zones qui sont intéressantes. Alors, c'est à la fois étonnant parce que c'est pas typiquement ce qu'on retrouve dans la littérature, mais c'est aussi très important parce que ça veut dire que la précision dont on a besoin pour détecter des zones aussi fragmentées, c'est typiquement une précision qu'on obtient avec la chirurgie éveillée et qui rend l'outil d'autant plus incontournable. Et pour le chirurgien également, quand il opère, ça veut dire qu'en fait, entre une zone impliquée et une zone non impliquée, la différence peut être parfois de moins d'un centimètre. Et donc, ça veut dire qu'après, derrière, si on veut essayer de tenir compte de ces résultats pour l'opération, il faut être capable d'avoir une estimation très fine de là où on est exactement. La prochaine étape, c'est d'ajouter du son à ces vidéos, de mêler stimuli auditifs et visuels pour regarder si l'intégration de cette information multisensorielle a lieu dans les mêmes zones cérébrales. La seconde perspective est de renouveler ces expériences chez des sujets sains, sans tumeur et cette fois sans ouvrir de crâne, en testant la sensibilité d'autres techniques non invasives comme la stimulation magnétique transcrânienne. Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Alexandre Morales, Bruno Sansini, Céline Lausanne, Eve Etienne. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Dali Yaha. Vous pouvez nous écouter et nous podcaster partout à toute heure. Sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.